t'es né pour rien, tu commences à m'ignorer. Tout se passe bien en apparence, mais rien ne va plus entre nous, c'est comme une prison dorée. À trop chercher la moindre erreur, bébé, tu finiras bien par trouver. Mais dis-moi pourquoi tu t'acharnes à vouloir chercher ce qui finira par nous exterminer. Tu t'éloignes doucement, comme si rien ne vendait tout ce temps. On se casse en coup de vent, redevenons ce qu'on était avant. Tu t'éloignes doucement, comme si rien ne comptait tout ce temps. Raccroche, raccroche, je te parle là. Mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Raccroche. Attends, attends, attends deux secondes. Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Quand je te parle, je réponds pas au téléphone. T'es tout le temps occupé. Et quand moi je t'appelle, t'as pas compris. Je suis en train de taffer, qu'est-ce qu'il y a en fait? Tu réponds pas au téléphone quand je te parle. Écoute, tu t'énerves pour rien, tu sais quoi, on va pas s'embrouiller. C'est tout à la même chose. Regarde, regarde, on va pas s'embrouiller. C'est tous les jours, t'as mangé. La même chose. Est-ce que t'as mangé? J'ai pas mangé. C'est pour ça que tu t'énerves pour rien. T'as faim. C'est quoi, regarde? Habille-toi. On va laisser la petite chez ta daronne. Et on va manger. Vas-y. Ok? On lui sourit un peu. C'est quoi le délire? Sur une intuition, t'es prête à nous laisser nous consumer. Si ton intuition t'avertit, alors dis-moi ce qu'elle te dit. Ne reste pas dans ton coin, non, réglons ça maintenant avant que ton cœur m'oublie. Si ton intuition t'avertit, alors dis-moi ce qu'elle te dit. Ne reste pas dans ton coin, non, réglons ça maintenant avant que ton cœur m'oublie. Je vais prendre un monté cristo s'il vous plaît. Monsieur. Je vais prendre. Je sais pas bien regarder. Évidemment, t'es que sur ton téléphone. Du coca. Coca, je pense. Merci. T'es venu au restaurant pour rester sur ton téléphone? Même au restaurant, je taffe. Tu taffes tout le temps. Jamais d'exception. Tu prends jamais de pause. Tout le temps sur ton portable. Regarde. J'ai laissé. Pour une fois. T'es content? Les jours passent, rien n'avance, tu parles pas. J'avais oublié ton côté borné. C'est comme si t'avais déjà décidé que pour nous deux c'était bel et bien terminé. Tu ne veux toujours rien me dire, mais tu ne veux pas t'en aller. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu tiens tant à chercher ce que tu ne veux pas trouver. Tu t'éloignes doucement, comme si rien ne comptait tout ce temps. On se tape dans le coup de vent, redevenons ce qu'on était avant. Tu t'éloignes doucement, comme si rien ne comptait tout ce temps. Je suis obligé, je sais. Sur une intuition, t'es prête à nous laisser nous consumer. Si ton intuition t'avertit, alors dis-moi ce qu'elle te dit. Ne reste pas dans ton coin, non, réglons ça maintenant. Avant ton studio, là, donc, si tu veux passer, passe. Si ton intuition t'avertit, alors dis-moi ce qu'elle te dit. Ne reste pas dans ton coin, non, réglons ça maintenant. Avant que ton cœur m'oublie. Si tu ne veux rien me dire, qu'est-ce qu'on va devenir? Je viens quoi? Viens quoi? Dans quoi? Calmement? Non, je connais. Tu voulais pas casser ou quoi? Ouais, j'ai essayé dans la voiture. Mon speed, tu connais. Ça, tu vois? On est là, je viens de recevoir le. Les derniers mix là. Ouais? Dernier mix, j'ai réécouté Oublie-le. Ok. Encore une fois, franchement, même Oublie-le, tu connais, même à chaque fois qu'on le fait écouter à quelqu'un, il fait partie de ceux qui ressortent le plus. Ça, c'est bien, c'est bien. Toi, tu l'avais pas écouté mixé, toi? Non, mixé, je l'avais pas écouté. Balance ça là, bon, ça dit quoi? Je vais te faire écouter là. Et je crois que ça va être le prochain. La routine du célibat m'a rentré dans un délire où je pensais même que mon cœur était mort. Mais là je reçois un flamme d'une certaine cassie qui me dit tu te rappelles qui je suis si t'as oublié tranquille tu m'ignores. Je me suis réveillé choqué, comment je pourrais t'oublier? J'ai cherché du lycée jusqu'à ce qu'on me dise que tu t'es marié. Elle me dit t'as pas bien cherché, t'es bien mauvais. Si tu m'avais trouvé peut-être qu'aujourd'hui on se serait marié. Mais aujourd'hui c'est trop tard, j'ai un homme. Peut-être dans une autre vie, dans un autre monde. Et je lui dis c'est jamais trop tard, on finira par se revoir. À ce moment-là je ne donnerai pas cher. mal et qu'on ne devrait pas se parler. Je ne sais pas si tu veux, sans moi sans s'en parler. Je te revois, c'est sûr de ne pas tomber. Je te rideau, ça change un peu des trucs. Tu peux pas dire, forcer le destin. Si tu crois ton chemin, ça va pas. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que pour le clip, je voulais pas faire un clip ici en France. Non, faut faire l'étranger. Celui-là, faut décaler. Faut aller, je sais pas, tu vois, aux États-Unis, à Montréal, je sais pas. Soit les States, je sais pas, un autre endroit en fait. Faut qu'on kiffe là, faut quitter la France. Tous mes clips là cette année, je les ai fait en France en fait. Faut changer un peu. Genre. Là, faut changer. Faut... Canada, c'est une bonne idée. Canada, ça peut être bien. Canada, ça peut être bien. Après, le truc, c'est que décembre, il caille ça. Mais tu veux quoi? Parce qu'en vrai, ma fierté, c'est des corps chauds là, des corps froids en vrai. Des corps froids, mais pas la neige forcément. Pas la neige. Hein. Ouais, pas forcément la neige. Mais des corps froids, ce serait bien, tu vois. Des corps sombres, ambiance sombre, mais. Pas forcément la neige, mais les stages j'aurais kiffé aussi. Je fais pas de clip au stage. Ouais, allô. Ouais, vas-y, rentre. T'attends quelqu'un? Ouais, j'attends quelqu'un. Pourquoi t'as souri comme ça? Laisse tomber. Gros. Ouais, donc du coup, ça dépendra le budget en vrai. Soit à Montréal, soit les States, ou ça se trouve ailleurs. Hey. Vous allez bien? Ouais, je suis l'ancienne. Ça va? Bien quoi? Bien et toi? Tu vas bien? Ouais, tu vas bien. Tranquille. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Donc voilà, en gros, donc... Ça va quoi, Jérémy? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va. L'album, ça avance? Ouais, ça bosse. Hein. Première fois, je te vois au studio. C'est vrai. Faut aussi faut qu'on trouve une guitariste pour Monica. Ouais, vas-y. Une meuf qui. Ça va? Tu vas bien? Tranquille, ouais, tranquille. Okay. Une meuf qui fait de la guitare. Tu m'avais montré une meuf qui faisait du rock, tout ça. Ouais, elle est bien, j'aime bien ce qu'elle fait. Mais si elle sait pas jouer de l'afro, c'est chaud. Là, je suis en train de taffer, c'était pas une bonne idée. En train de taffer, mais tu m'as dit de venir en fait. Ouais, mais c'était pas une bonne idée. Comment ça, c'est pas une bonne idée? Je fais autre chose là. Je suis dans autre chose. En fait, mais tu savais que tu taffais ce soir, tu m'as dit de venir. Là, j'ai la tête ailleurs. Comment ça, t'as la tête ailleurs? J'aurais pas dû t'appeler. Je vois, tu me calcules pas depuis que je suis rentrée. Je viens vers toi, je te fais la bise et tout. Parce que je suis en train de taffer. Mais. C'est tout. En fait, t'essaies de me faire comprendre quoi là? Regarde, rentre et. Comment ça, rentre? Rentre, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, rentre. Et je te rejoins tout à l'heure. Okay. Dès que je finis. Maintenant, en fait. Maintenant, j'ai pas le temps, là, je dois taffer. C'est important. Tu vas pas m'expliquer à quoi? Je vais t'expliquer tout à l'heure. Tout à l'heure? Ouais. Tout à l'heure, je te rejoins. Pour de vrai? Ouais. Tu mets pas un plan, hein? Non, t'inquiète.